Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous voici de retour pour notre rendez-vous Disco Funk. Et ça va enchaîner fort aujourd'hui, croyez-moi. On débute par la découverte. Un morceau très entraînant avec le groupe JQ et son fameux titre Disco Night. Le groupe est originaire de New York et ses principaux membres viennent de diverses formations. Alors il va débuter en 1968, mais le premier album n'arrive qu'en 1976. C'est ce qu'on appelle prendre son temps. Un tube en sera extrait, Zone. Ça va être en 1978 que le groupe va prendre le nom de JQ, qui est censé vouloir dire Good Quality pour bonne qualité, bien sûr. Et c'est sous ce nouveau nom que le groupe va signer avec le label Arista Records. Label qui va leur permettre de sortir leur nouvel album Disco Night un an plus tard, en 1979. L'album qui restera comme leur mieux classé de tous et qui va surtout produire leur titre de référence, à savoir l'énormissime Disco Night. On les retrouve tout au début de la décennie des années 80 avec leur nouvel album Two, album qui va confirmer l'excellent état de santé du groupe, notamment grâce au succès du titre Standing Ovation. Nouvel album Face to Face l'année suivante en 1981, l'album au succès cette fois-ci pour le moins relatif et qui peinera à produire le moindre single de classe planétaire. Une contre-performance dont le groupe ne se remettra jamais. We'll be right back. On continue avec nos 100 hits qui ont fait le disco avec Madonna et son Hung Up. Elle a 20 ans quand le disco éclate et elle a eu la chance de croiser Patrick Hernandez pour qui elle dansera et Nile Rodgers qui lui produira Like a Virgin pour lancer sa carrière. L'artiste souhaite alors rendre hommage au disco sur un album. Le morceau Hung Up est à la base prévu pour une comédie musicale autobiographique. Le scénario ne plaît pas du tout à Madonna et le projet va être rangé dans un des tiroirs de son bureau. Un de ses assistants va mixer la chanson avec un sample de Give Me, Give Me, Give Me de ABBA. Madonna est convaincue du succès du morceau et va demander à ABBA l'autorisation d'utiliser leur sample. Pardon. Il ne donne pas souvent cette autorisation, mais là, exceptionnellement, Madonna l'a eu. Et le succès va être alors mondial. D'ailleurs, tout l'album est disco, avec comme inspiration Stardust, Giorgio Moroder, et elle ira même jusqu'à reprendre I Feel Love de Donna Summer en concert. Mais ça, c'est une autre histoire. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. On va continuer dans les titres disco-funk de l'année 84, il y a 40 ans, et en octobre du coup. Les Whispers ont sorti un nouvel album en juillet de cette année-là, il s'intitule So Good. Et en octobre, qui truste la première place aux États-Unis à votre avis? Eh ben eux bien sûr, avec le titre Some Kind of Love. Un bon son électro qui colle bien au groupe. Sur une des autres chansons de l'album, ils feront un duo avec Phyllis Hyman sur Suddenly. Bonne dégustation. We'll be right back. pour le maxi du jour, encore un groupe me direz-vous. Eh ben oui, les Jackson 5, à l'honneur encore une fois, et leur titre Blame It on the Boogie. Alors, deux, trois trucs qu'il faut savoir sur cette chanson. Blame It on the Boogie, à la base, est une chanson funk interprétée par le chanteur britannique Mike Jackson, qu'il a écrite et composée avec son frère David Jackson et Elmar Crown. Elle sort en single en août 1978. Elle est reprise par les Jackson la même année, là les Jackson 5. Ces derniers n'ont pas du tout de lien de parenté avec Mick et David Jackson. Elle sort aussi en single au mois d'août et comme premier extrait de leur album Destiny. Les deux versions vont se classer simultanément dans les charts anglais et à quelques semaines d'intervalle dans les charts US. Celle des Jackson 5, bien sûr, va obtenir plus de succès et entre également dans les hit-parades d'autres pays. Après la mort de Michael Jackson, le 25 juin 2009, elle est de nouveau entrée dans les classements en Australie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. C'est parti! Pépite aujourd'hui, un Billy Ocean inédit de notre émission, Nights, paru en 1980. Il est extrait de l'album du même nom, il va s'agir du troisième album du chanteur. La critique dit que l'album est un échec, mais franchement, moi je trouve que le morceau extrait aujourd'hui, eh ben, il n'est pas si mal que ça. Je vais vous laisser seul juge. C'était en 1980 et ça donnait ça. Le temps passe vite et il est déjà l'heure de se quitter. Je vous dis bonne soirée, bon week-end, bonne semaine et rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.